Jean Bosco, Douiman. Nous sommes dimanche 23 février 2025. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro pour le journal parlé en français. Et voici tout de suite les grands titres. Le président du parti CDP demande aux autorités à la base de faciliter les activités des formations politiques sur terrain. Au cours d'une réunion ce samedi avec les militants du Conseil des Patriotes en commune Nahangwa, Anissé Niongourou a déclaré que certains de ses militants inscrits sur les listes des députés ont été intimidés. À Bururi, les chaînes de solidarité encadrées par l'ONG FVS s'organisent bien. En effet, une dizaine de chèvres ont été octroyées ce jeudi à la communauté d'Ugahanda par deux groupes voisins sur la colline Rutundwe en commune Songa. En République démocratique du Congo, le président Tshisekedi réaffirme qu'il ne dialoguera pas avec le M23 et promet une refonte de l'armée et du gouvernement. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le Conseil des Patriotes demande aux autorités à la base de faciliter les activités des partis politiques sur terrain. Anissé Niongourou, président de ce parti, signale que certains militants du CDP qui sont sur les listes des députés ont été intimidés. Lors d'une réunion ce samedi avec les militants du parti en commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura pour échanger sur le comportement et l'engagement à adopter dans cette période électorale, il a annoncé la participation de son parti aux prochaines élections. Suivez-le. Nous avons parlé des menaces et des intimidations qui se font un peu partout dans le pays. Après avoir revu les listes des candidats aux élections législatives, il y a eu beaucoup d'intimidations. Maintenant, ça commence à se calmer un peu. Mais il a fallu une grande intervention pour que cela puisse être amorti. Cette année-ci, nous avons un cas d'intimidation au nord, à province Ngozi, commune Marangara, des cas d'intimidation. Nous avons aussi un cas de Chibitoke, un membre du parti CDP figurant sur la liste des candidats aux législatives, a été arrêté et emprisonné pendant 3 semaines. C'est aussi trop. Emprisonnable arbitraire. Le cas le plus récent, c'est notre représentant à Bujumbura élargi. Donc, il était avec moi ici, Mao, qui a été arrêté de chez lui à la maison parce que la veille, il avait parlé du CDP dans un cabaret, ce qui n'est pas normal. Et le cas de Bubanza, où un administratif local dit que un membre du parti CDP est en train de tout mélanger, les choses. Nous avons beaucoup lutté pour la démocratie. Pour cette démocratie, il y a beaucoup de sang qui a coulé pour que cette démocratie ait lieu. Donc il faut qu'on la respecte. Le minimum, c'est le respect des principes minimums de cette démocratie burundaise. Anissé Niongourou, président du parti Conseil des Patriotes. Une dizaine de chèvres ont été octroyées ce jeudi à la communauté d'Ugahanda par deux groupes voisins de solidarité sur la colline Rutundwe en commune Songa de la province Bururi. Toutes sont encadrées par la FVS, Amis des Enfants. Alain Ndayihereje, président de la communauté de Rutundwe, fait savoir que 70 chèvres reçues en 2022 se sont multipliées, raison pour laquelle ils ont songé à leurs voisins pour marcher ensemble vers le développement, une chaîne de solidarité qui satisfait l'administration de Songa et la FVS. Zeno Zambuman. Les membres de la communauté de développement de Rutundwe en commune Songa de la province de Bururi, composée de deux groupements de solidarité encadrés par la FVS Amis des Enfants, ont effectué ce jeudi une visite sur la colline Gahanda de la même commune. C'était dans le but de remettre un dos de 10 chèvres aux membres de la communauté voisine de Gahanda, composée de 4 groupements de solidarité également encadrés par la FVS Amis des Enfants. Ces cérémonies de remise de sodo, agrémentées par les chants et danses, se sont déroulées à l'école fondamentale de Gahanda sur la même colline. Le président de la communauté de développement de Rutundwe a indiqué que sodo est le résultat de plus de 70 chèvres qu'ils ont reçues en 2022 de la part de la FVS Amis des Enfants dans le cadre du projet de développement FCAP qui les a formés dans le domaine des projets de développement. Et ces 70 chèvres se sont multipliées, raison pour laquelle sa communauté a songé à celle de Gahanda voisine pour qu'elle puisse adhérer de façon effective au projet FCAP et ainsi continuer l'œuvre charitable d'assister aux enfants orphelins et autres vulnérables et maintenir la chaîne de valeur, a souligné Alain Ndayihereje. Athanase Ndayishimiye, président de la communauté de Gahanda bénéficiaire de Sodon, a vu saluer ce geste signe éloquent de fraternité entre les habitants de ces collines qui veulent marcher ensemble vers le développement. La communauté de développement de Gahanda est la première d'avoir vu le jour grâce à une autre communauté, Senogordie Iradukunda, responsable des structures communautaires à la FVS Amis des Enfants. De même que l'administration communale de Songa, il salue cette initiative de la communauté de développement de Rutundwe et appelle d'autres collines à faire de même pour arriver ensemble au développement. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Certains opérateurs dans le secteur agroalimentaire ayant participé à un atelier de sensibilisation aux normes de qualité organisé par le Centre d'excellence sous-régional en sciences de la nutrition en sont sortis satisfaits en clôturant cet atelier ce vendredi. Le coordonnateur de l'ANSI, Mélan Senouzouenimana, a réitéré l'engagement de ce centre à poursuivre l'organisation de ces séances. On fait le point avec Stella Daichimi. Comme l'indiquent ses participants œuvrant dans le secteur de l'agroalimentaire, la connaissance des normes de la qualité leur permettra de transformer des produits de qualité qui peuvent même être vendus au marché international sans problème. Blaise Rakidimana a une unité de transformation de la farine. La formation était très bénéfique. Nous avons appris comment on peut transformer des produits de qualité et qui peuvent durer longtemps. La leçon principale que nous avons acquis, ce sont des conséquences quand on travaille sans tenir compte des normes de la qualité. Ce que nous allons faire, nous allons retourner à la BBN, demander les vraies normes que nous pouvons respecter au départ en tant que petite entreprise et les respecter pour transformer des produits de bonne qualité et comme ça avancer. Même son de cloche pour Eloge Niomungere, et il y a une unité de transformation du PIMA qui apprécie ses assises. Il appelle ce qui ont des unités de transformation à veiller au respect des normes. Je lance un appel vibrant aux transformateurs et surtout dans l'agroalimentaire qu'ils fassent attention et qu'ils se concentrent beaucoup plus dans la mise en place des normes qu'il faut pour ainsi produire des produits de qualité pour qu'eux aussi ils construisent des entreprises durables parce que si on met en place tout le processus qu'on nous a enseigné, c'est sûr que nous allons bâtir des entreprises prospères et durables. C'est ça le capital. Il faut s'assurer que tout au long de la chaîne, on respecte les normes. Du côté du Centre d'excellence régionale en nutrition et Yancy, l'on s'engage à continuer à organiser de telles séances à l'endroit des propriétaires des unités de transformation, comme l'indique Mélan Senouzouenimana, qui assure la coordination. Réellement, nous voulons que tout le monde soit conscient de ce qui se passe. Nous voulons que ce qu'on a étudié, ce qu'on a vu, ce qu'on a parlé ici, ne reste pas ici. Qu'ils aillent pratiquer les issues, qu'ils aillent pratiquer ce qu'ils ont entendu dans les entreprises, dans les circonscriptions. Lors de l'ouverture de cet atelier, le directeur général du Bureau burundais de la normalisation et du contrôle de la qualité BBIN a fait savoir qu'il existe certains détenteurs des unités de transformation qui utilisent des procédés technologiques non reconnus par des institutions habilitées, notamment le Centre national de technologie alimentaire CNTEA. Merci Stella Naishimi. Sensibiliser les jeunes de l'intérieur du pays à jouer au volleyball, le TD est la raison qui a poussé la Fédération burundaise de volleyball à organiser une ligue intérieure de volley. Lors de la clôture de ce championnat ce dimanche, David Debigilimana, secrétaire général de cette fédération, a indiqué que les 6 meilleures équipes de cette ligue vont s'affronter dans la phase finale du championnat national avec les équipes membres de l'association de volleyball amateur de Bujumbura, Avab. Suivez-le. La Fédération burundaise de volleyball clôture aujourd'hui la phase finale de la Ligue intérieure, un championnat qui regroupe les équipes de l'intérieur du pays, dans toutes les provinces. Je vous rappelle que au mois de janvier, on a commencé ce championnat de la Ligue intérieure. Il y avait pas mal d'équipes. Et par après, il était question de retenir les 4 premières équipes pour jouer les demi et finales. Alors, ce week-end du 22 au 23, nous avons organisé les demi et finales. Hier, c'était chez les hommes, Amani de Kayanza, qui a éliminé Kayanza United, deux équipes de Kayanza, et l'équipe de Mososhuga a battu l'équipe de Horizon de Gitega. Ça, c'est chez les hommes. Chez les dames, c'est Shakaland de Bururi qui a éliminé Kirewuka de Ukeye, et l'équipe de Agasaka de Ngozi avait éliminé l'équipe de Kayanza United. Organiser un tel championnat, c'est beaucoup plus inviter la jeunesse à pratiquer le volleyball au niveau de toutes les provinces, et surtout la jeunesse scolarisée, même non scolarisée, et inviter aussi les encadreurs, inviter les responsables scolaires administratifs aussi à encourager la jeunesse à pratiquer le volleyball. Prochainement, nous allons organiser cette fois-ci la phase finale qui va regrouper les 6 meilleurs de la Ligue intérieure, 6 chez les dames, 6 chez les hommes, qui vont croiser le fer avec les équipes de l'association de volleyball amateur de Bujumbura. Donc, c'est la phase finale où on va cette fois-ci voir l'équipe championne au niveau national. C'était le secrétaire général de la Fédération burundaise de volleyball, David Bigirimana Di Nchomos. Actualité internationale. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi tente de réorganiser l'armée et sa majorité pour renforcer sa riposte alors que les rebelles du M23 se sont emparés de plusieurs villes et localités dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Lors d'une rencontre avec les députés, les sénateurs et les SACIC de sa coalition, il est resté ferme sur son refus de dialoguer avec le M23. Le président Tshisekedi affirme avoir dit aux évêques catholiques et protestants qui tentent d'assurer une médiation dans la crise qu'il n'y aura pas de dialogue avec le M23 qu'il a encore qualifié de pantin. Ce serait nous humilier, a-t-il déclaré, même s'il a reconnu que les forces armées de la RDC, sur lesquelles il compte pour inverser la dynamique sur le terrain, sont trahis de l'intérieur selon lui, et d'ajouter que tous ceux qui sont chargés de les encadrer ont pris de l'argent, soit ils n'ont pas fait parvenir celui qui devait arriver aux FRDC. Côté politique, le président envisage la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais bien avant, il compte opérer des changements dans la direction de l'Union sacrée, sa majorité qu'il a défié avec un manque de réactivité politique face aux défis sécuritaires. Et en Ouganda, après plus d'une semaine de grève de la faim, l'opposant historique Kizza Besigye recommence à s'alimenter selon son épouse. Sa grève avait été déclenchée après le refus des autorités de transférer son procès vers un tribunal civil, et ce malgré une décision de la Cour suprême rendue fin janvier. Grâce à une mobilisation tant nationale qu'internationale, avec des appels à sa libération portés par des personnalités comme Bobi Wine, Kizza Besigye, quatre fois candidat à la présidentielle en Ouganda, a finalement comparu devant un tribunal civil vendredi où il a été inculpé de trahison. Malgré ce changement de juridiction, ses proches ne sont pas optimistes. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Nous vous proposons une deuxième partie sur la bouillie cuite à partir de la farine mixte thérapeutique des graines germées qui prévient différentes maladies. Jean-Paul Ouinez, un nutritionniste, cite notamment les maladies oculaires ou les problèmes des os. Les détails avec Jean-Marie Mayonga. Dans cette bouillie, selon Jean-Paul Ouinez, il y a plusieurs vitamines et d'autres éléments nécessaires pour prévenir l'organisme de plusieurs maladies. Cette bouillie est composée par les graines de chia. Les graines de chia aussi, c'est très essentiel pour la personne diabétique parce que ça joue un rôle de stimuler l'insuline pour pouvoir neutraliser l'excès du sucre dans le sang, l'hyperglycémie comme ça. Et aussi, ça permet le pancréas de pouvoir quand même produire de l'insuline, afin que l'insuline aussi puisse garder ou bien de ne pas quand même y avoir l'hyperglycémie. Selon son chercheur Jean-Paul Ouinez, ce produit est très efficace pour le traitement des cheveux et aide les personnes qui ont des problèmes d'impuissance sexuelle. Ce produit est très confort pour le traitement des cheveux. C'est tous les cheveux cassants ou bien les cheveux ternaires. Ce produit est très confort en cas d'impuissance sexuelle, masculine et féminine. C'est un produit vraiment très efficace parce que ça va renforcer le cerveau. Et aussi, c'est un produit qui est composé par beaucoup de graines. Les graines qui sont très riches en vitamines, surtout les vitamines du groupe B. Ces vitamines qui se trouvent dans ces graines vont permettre au cerveau, c'est-à-dire dans la glande qu'on appelle hypophyse, l'hypophyse de pouvoir quand même éveiller la glande qu'on appelle hypothalamus, afin que l'hypothalamus puisse produire ou bien trouver les neurotransmetteurs, 4 neurotransmetteurs, afin de pouvoir faciliter le travail de la sexualité. Pour les personnes qui ont le problème de vision, il est conseillé de faire recours à cette bouillie. C'est une bouillie très bonne, c'est une farine vraiment très thérapeutique, composée par beaucoup de vitamines. Bon, il y a beaucoup de minéraux et peuvent quand même nous protéger contre beaucoup de maladies comme l'obésité, comme l'hypertension, beaucoup de maladies. Très indiqué aussi pour les problèmes d'ophtalmologie. Pour des personnes qui ont des problèmes des yeux, des personnes qui portent des lunettes, qui souffrent des nerfs optiques, il faut trouver cette bouillie, ça va corriger beaucoup de problèmes. Jean-Paul Ineza dit que dans cette bouillie, il y a d'autres éléments phytonutriments très importants pour les sportifs et cela les aide à une bonne circulation sanguine. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.